Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a exhorté Washington à suspendre les ventes d'armes à Taipei à la suite du Forum de l'industrie de la défense Taïwan-États-Unis de cette semaine lors d'un point de presse quotidien à Pékin vendredi. Les ventes d'armes américaines à la région de Taïwan violent gravement le principe d'une seule Chine et les trois communiqués conjoints sino-américains a-t-elle confirmé. La Chine s'y oppose fermement. Dernièrement, les États-Unis et les autorités taïwanaises ont intensifié la collusion militaire, a-t-elle poursuivi. C'est une preuve supplémentaire que les États-Unis transforment Taïwan en baril de poudre, ce qui ne fait que causer des problèmes à nos compatriotes taïwanais. Le Forum de l'industrie de la défense Taïwan-États-Unis s'est tenu à Taipei mercredi, où une délégation d'entrepreneurs américains de la défense a appelé à une coopération plus approfondie avec Taïwan. Le porte-parole du MOFA a également averti que toute force extérieure s'immisçant dans les affaires taïwanaises pourrait devoir payer pour ses actions. Pékin considère l'île comme faisant partie de son propre territoire en vertu du principe de « une Chine ». La partie chinoise prendra ses mesures fortes et résolues pour défendre fermement notre souveraineté et nos intérêts en matière de sécurité. Toutes les forces extérieures qui s'immiscent dans les affaires extérieures de la Chine et sapent la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan en subiront les conséquences et paieront pour leurs actes erronés, a-t-elle ajouté. On repense aux accusations du législateur canadien Michael Jean, selon lesquelles sa famille aurait été harcelée par la Chine. Le porte-parole du MOFA l'a décrit comme « rien d'autre qu'un coup politique né d'un parti pris idéologique ». C'est la partie canadienne qui a fait des provocations et a gravement sapé les intérêts de la Chine en premier. La réponse ferme de la Chine est pleinement justifiée et nécessaire. Je tiens à souligner que le personnel diplomatique et consulaire chinois au Canada respecte toujours les conventions internationales pertinentes et exerce ses fonctions conformément à la loi, a conclu Mao Ning. Chang a critiqué le gouvernement canadien pour ne pas avoir expulsé un diplomate chinois qui aurait été impliqué. Il a précédemment accusé la Chine de violation des droits de l'homme, ce que Pékin nie fermement. Afrique Média, le monde, c'est nous.